à son meilleur ami, Charles Lyell, le géologue, que c'est exactement sa théorie, que c'est une coïncidence absolue. Le 24 novembre 1859 paraît L'origine des espèces, de Charles Darwin. Les 1250 exemplaires qui paraissent ce jour-là se vendent immédiatement, malgré le caractère subversif de sa méthode, qui vise à expliquer l'origine des espèces autrement que par une intention divine. Avec Darwin, l'origine devient l'objet d'un récit, à échelle humaine, et d'un récit en évolution. Les choses ne sont plus fixes, ni telles qu'elles sont une fois pour toutes, mais en devenir, en transformation, ce que désigne le terme d'évolution. Alors comment en est-il arrivé là? Comment un tel livre a-t-il pu voir le jour dans ce contexte dominé par la théologie naturelle? Pour le comprendre, embarquons à bord du Beagle, le bateau sur lequel Darwin voyage à 5 ans et qu'il considère comme le vrai début de l'aventure. Journal of Charles Darwin, day 93 aboard the Beagle. Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle espèce de barnacle que j'ai classée dans l'ordre des Pygophora. Je n'aurai jamais de petit ami. Je suis si malheureux. Et maintenant, je suis attaqué par des pirates. Je vous arrête! Je suis le capitaine pirate et je viens prendre votre or! Je n'ai pas du tout d'or! Pas d'or? Tenez donc. Dans ce cas, puis-je savoir ce qu'est cette chose? C'est un rat de babouin. C'est vrai? Oh, oui, bon, alors, cette chose. L'autre rat du babouin. On a fouillé la soute, capitaine. Et? On n'a que des morceaux d'animaux. Des animaux dans des bocaux. Et un babouin qui fait sa tête de cochon. Quel genre de navire est-ce donc? On était une expédition scientifique. Charles Darwin, pour vous servir, monsieur. Bonjour Jean-Claude Amezen. Bonjour Adèle von Red. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes médecin, chercheur, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et auteur de l'émission « Sur les épaules de Darwin » qu'on peut écouter tous les samedis sur France Inter. Et vous aurez bien remarqué donc que Darwin figure dans le titre de cette émission. Je sais qu'il vous est très cher. Quelle place tient Darwin dans votre cœur, Jean-Claude Amezen? Alors une place particulière parmi les géants sur les épaules desquels nous sommes juchés pour voir plus loin. Une place particulière parce qu'il y a chez lui, en particulier chez le jeune Darwin, celui du voyage du Beagle et des années qui vont suivre, il y a un mélange extrêmement intéressant à mon sens et émouvant d'émotions et de raisons, d'appétence pour ressentir et d'appétence pour comprendre. Et durant son voyage de 5 ans, il va à la fois s'émerveiller devant la splendeur du monde et découvrir une réalité de la nature qu'il n'imaginait pas dans la quiétude des paysages de l'Angleterre. Mais il va en même temps, et il va faire des découvertes et en même temps, il va être révolté par l'esclavage qu'il découvre au Brésil et qu'il considère comme une abomination. Il va être révolté par le racisme, il va être révolté par les ravages de la colonisation qu'il découvre dans les îles. Et donc à cette révolution naissante scientifique qui s'élabore confusément encore en lui et qui va développer ensuite pendant des années, s'ajoute un sentiment éthique profond et qui va continuer à l'animer pendant toute sa vie. Et je crois que c'est assez exemplaire d'avoir à la fois élaboré une théorie qui va dynamiter, complètement transformer la place que nous imaginions être la nôtre dans l'univers, et en particulier révéler que nous sommes une émergence tardive et aveugle d'une évolution qui ne nous a pas prévue, et donc qu'il n'y a pas de projet à l'origine de notre émergence, et en même temps être travaillé par cette idée que c'est à nous d'inventer un projet de vie et que ce projet doit être fondée sur ce qu'il appelait la règle d'or, c'est-à-dire le souci du plus vulnérable, la coopération, la sympathie et l'empathie. Et donc, je trouve que c'est à la fois une aventure, une grande aventure de scientifique et une grande aventure d'humaniste. Et puis, il y a aussi le fait que son livre, ses livres, puisqu'il a écrit... Oui, c'est pas l'homme d'un seul livre, hein, il faut bien le préciser. Ce sont des livres qui sont écrits que tout le monde peut lire. C'est un peu comme ce que Galilée avait fait 2 siècles avant avec ses dialogues quand il publiait non pas en latin mais en italien. C'est une des rares, peut-être une des seules révolutions scientifiques modernes qui est écrite dans un langage qui est accessible par tout le monde. Et donc c'est intéressant de voir que des idées profondément nouvelles, profondément révolutionnaires peuvent, dans certains cas, s'exprimer d'une manière assez accessible et simple. Elle va être ensuite complexifiée de plus en plus au fur et à mesure que le temps passera. Et en particulier, ce qui lui manquait, et dont il disait d'ailleurs qu'il était malheureux que ça lui manque, c'est-à-dire des notions de mathématiques et de physique, eh bien, vont petit à petit donner de la puissance et de l'envergure à la théorie qu'il a élaborée. Oui, ces écrits sont accessibles, simples, disiez-vous. Je rajouterais même éblouissants en ce qui concerne l'origine des espèces. C'est une vraie expérience de lecture, il faut le dire, pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que le livre n'est pas forcément beaucoup lu. On le cite beaucoup, mais il n'est pas forcément beaucoup lu. C'est une expérience de lecture assez inouïe, qui est d'autant plus surprenante que, comme vous avez commencé à le dire, finalement, quand ce livre... l'origine de ce livre est sans doute son voyage à bord du Beagle. Et il faut dire qu'avant ce voyage-là, Darwin lui-même n'était pas prédestiné à ce genre d'aventure, disons, naturaliste. Il avait même commencé des études de séminariste, je crois. Il était au Christ College à Cambridge, il fait des études de théologie. Et puis rien ne le prédestine à devenir le naturaliste qu'il deviendra. Alors, dans ses souvenirs d'enfance, il raconte qu'il était un naturaliste né et qu'il était passionné par la géologie. Il le dit avec beaucoup d'humour que ça se limitait pour lui aux cailloux qu'il collectionnait et qu'il mettait devant sa porte. Mmh. Et il collectionnait des scarabées, il y avait quelque chose. Il ne savait pas très bien quoi faire de sa vie. Son père lui disait qu'il s'intéressait qu'au tir, à la chasse et à capturer des rats et qu'il serait un déshonneur pour toute sa famille. Il avait commencé avant ses études de séminariste. Il avait commencé, parce que son père et son grand-père étaient médecins, des études de médecine à l'université d'Édimbourg à l'âge de 16 ans. Et 2 ans plus tard, et on voit déjà cette sensibilité, il abandonne ses études de médecine au désespoir de son père parce qu'il supporte pas les dissections et la vue des opérations sans anesthésie. Et donc, il décide que c'est pas pour lui, il ne supportera pas. Et donc, son père lui conseille de faire des études de théologie qu'il va faire, mais ça ne l'intéresse pas non plus. Il y a une chose qui le passionne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il partira sur le Beagle, c'est la lecture des grands récits de voyage du plus grand explorateur de son temps, qui est Alexander von Humboldt. Et il dit que c'est un livre qu'il connaît presque entièrement par cœur. Et donc, il va essayer, comme la première exploration de von Humboldt, c'est Tenerife dans les Canaries, l'ambition, sa dernière année de séminariste, Darwin a l'ambition d'amener son professeur de botanique, John Henslow, avec quelques amis, et de partir à Tenerife. Et il va tous les jours, c'est le début de l'été, il va tous les jours au port, et il demande s'il y a des bateaux qui partent pour Tenerife. Et puis son professeur lui dit qu'il peut pas, il a pas le temps. Et Darwin est désespéré. Et quelques mois plus tard, John Henslow lui dit qu'il y a une place de compagnon du capitaine et de naturaliste à bord du Beagle et qu'il a proposé son nom. Et Darwin est très heureux. Son père lui interdit de partir. Son oncle lui dit que... Enfin, convainc le père que ça serait bien pour la formation de Darwin, puisque les études ne l'intéressent pas, qu'il s'en aille pour voir s'il ne voudrait pas devenir naturaliste. Et il va partir. Et il dira que c'est l'événement de loin le plus important de sa vie. Oui, c'est ce qu'on trouve dans son autobiographie. Hein. Il dit « Le voyage du Beagle fut de loin l'événement le plus important de ma vie. Il a déterminé toute ma carrière. » Et il va même jusqu'à ajouter « Je suis sûr que c'est cette discipline acquise à bord qui m'a permis de faire ce que j'ai fait en science. » L'observation précède la science chez lui. L'observation précède la science, mais comme il le dira plus tard à un autre découvreur de la théorie de l'évolution, co-découvreur Wallace. Il dira « l'observation sans spéculation n'a, à mon sens, aucune valeur ». Donc l'observation est très importante, mais ce qui est important et qui va faire en particulier silencieusement pendant 20 ans, dans le secret, sans rien en dire à presque personne, c'est l'élaboration d'un raisonnement. Il a appelé l'origine des espèces, dans la conclusion, mon long argument. C'est un immense raisonnement sur près de 500 pages. Et donc, c'est parsemé d'une foule d'observations, mais les observations sont là pour essayer de comprendre, d'expliquer. Et ce qui est très important pour lui, ça n'est pas, il le dira, ça n'est pas d'essayer de prouver que peut-être le vivant a évolué et s'est transformé. Parce que, après tout, si on ne sait pas par quel mécanisme, il y a d'autres qui l'ont dit, Lamarck l'a dit et d'autres avant lui. Donc, cette idée que le monde, les espèces vivantes ne sont pas fixes, c'est une idée un peu sulfureuse qui est là depuis quelques dizaines d'années. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucune relation de causalité qui permet de l'expliquer. Et donc, son obsession, ça va être de trouver et de prouver non pas que le monde vivant a évolué, mais qu'il y a un mécanisme, des lois qui permettent de comprendre comment il a évolué et de comprendre d'ailleurs, il le dira, comment il ne pouvait en être autrement. Et c'est ça qui va faire pendant 20 ans. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il aurait sans doute mis plus de temps encore avant de publier, si tant est qu'il ait jamais publié L'origine des espèces, parce qu'il devient un scientifique respecté, dans la tradition de la théologie naturelle, du fixisme des espèces. Et donc, publier son livre, c'est faire œuvre de révolutionnaire, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue théologique, sociologique, philosophique. C'est très perturbant d'imaginer que les êtres vivants et l'être humain ne sont pas apparus dans le cadre d'un projet divin. Et il a peur, à la fois de perturber les autres, et puis de remettre son statut en question. Et donc, il se tait. Et la raison pour laquelle, 20 ans après avoir commencé à 20 ans après avoir élaboré sa théorie, mais pendant ces 20 ans, il va l'affiner, la creuser, en chercher les implications, en 1858, il reçoit une lettre d'un explorateur qui a 35 ans, lui, il a 49 ans, qui est en Indonésie, et qui lui dit « Écoutez, j'ai une théorie. Si vous la trouvez intéressante, est-ce que vous pouvez demander à vos amis de la publier ?» Et Darwin est effondré. Ça fait 20 ans qu'il travaille en silence, et il écrira à son meilleur ami, Charles Lyell, le géologue, que c'est exactement sa théorie, que c'est une coïncidence absolument saisissante, et qu'il est totalement effondré, et que son originalité disparaît. Et donc, s'il va publier L'origine des espèces, en l'écrivant à toute vitesse en 18 mois, c'est parce que, d'un seul coup, ils sont deux, à 20 ans d'intervalle, à avoir découvert la même théorie. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cet ouvrage qui paraît considérable, il veut l'intituler « Résumé ». Parce que l'énorme livre qu'il est en train d'écrire et qu'il a appelé « Sélection naturelle » et qu'il ne publiera jamais, pour lui, c'est un résumé qu'il publie. Et il dit à son éditeur « Résumé sur l'origine des espèces par sélection naturelle ». Et son éditeur lui dit « Attendez, votre livre a 500 pages, on ne va pas l'appeler résumé, ça n'a aucun sens. » Et donc, ça sera de l'origine des espèces. Mais c'est une espèce de brouillon et de résumé qui synthétise 20 ans de réflexion qu'il n'avait pas prévu de publier aussi vite. Charles. Charles, mon vieil ami, vous voilà donc. Me permettez-vous de m'asseoir ? Oui. Oui, bien sûr. Emma m'a touché un mot à propos du livre que vous écrivez. Non, non, non, non, ce n'est plus le cas. Dieu merci. Vous l'avez terminé ? On s'en est chargé à ma place, en réalité. Un certain monsieur, Alfred Russel Wallace, est arrivé exactement à une théorie identique à la mienne, qu'il a exprimée en moins de 20 pages. Il est on ne peut plus concis. J'ai rempli 250 pages et j'étais dans une impasse, donc... Bien que ce projet m'ait pris... 20 ans de ma vie, je suis soulagé d'en être débarrassé. Et oui, ce fameux Alfred Russel Wallace qui en 20 pages exprime tout ce que Darwin voulait écrire, lui donc en plus de 500 pages. Mais contre toute attente, Jean-Claude Amezen, précisons-le parce que ça nous permet de dire un mot du contexte dans lequel s'inscrit Darwin, ils ne vont pas devenir rivales. Au contraire, finalement, leurs deux écrits, leurs méthodes similaires vont s'allier car elles vont devoir faire face à des ennemis communs, à savoir ceux qui sont plutôt du côté de la théologie, qui ne veulent pas entendre ce qu'est la sélection naturelle. Oui, il y a même il y a un épisode assez surprenant et assez intéressant. Alors Wallace, son papier est magnifique, c'est une vingtaine de pages d'une grande clarté. Ça n'a évidemment pas, c'est fulgurant. D'ailleurs, Darwin admire son style d'écriture extrêmement clair, extrêmement fulgurant, mais c'est plus restreint que l'extraordinaire réflexion que Darwin a poussé pendant 20 ans. Et donc, c'est moins subtil, c'est moins ouvert. Là où Wallace tranche de manière définitive sur un certain nombre de points, Darwin est ouvert, continue à réfléchir, tranche peu. Et donc, il y a une très grande différence entre les deux, même si, évidemment, les grandes lignes de la théorie qu'ils exposent sont similaires. Je voudrais dire un mot à ce propos, parce que il m'a toujours semblé que il y avait quelque chose d'étonnant dans le fait que cette théorie de l'évolution par sélection naturelle est apparue, a été découverte, inventée par deux hommes dans l'Angleterre du milieu du 19e siècle. Elle n'a pas été inventée par un Italien, un Français, un Américain. Donc il y a quelque chose qui a un rapport avec l'Angleterre du milieu du 19e siècle. Et pourquoi tous selon vous ? Alors tous les deux ont eu en même temps une histoire à la fois assez différente, mais avec des points communs. Les points communs, c'est les voyages autour du monde. Wallace est parti. Wallace envoie d'ailleurs sa lettre d'Indonésie. Au moment où elle est publiée, il est en Nouvelle-Guinée. Il a été en Amérique du Sud. Et ils ont tous les deux dit que la lecture de Malthus et le souvenir de la lecture de Malthus a joué un rôle extrêmement important dans la finalisation de leur théorie. Alors, c'est très différent. Darwin élabore sa théorie dans les deux ans qui suivent son retour de son voyage. C'est pas son voyage qui lui a révélé sa théorie. Le voyage l'a bouleversé, a remis en question ce qu'il connaissait, ce qu'il croyait. Il était un grand adepte de la théologie naturelle. Il connaissait une grande partie du livre de Paley, La théologie naturelle, par cœur, au moment où il embarque sur le Beagle. Il pense que, en fait, l'harmonie du monde et les espèces sont dues à un projet divin. Et puis, tout ça est remis en question. Et c'est dans les deux ans de son retour en Angleterre, chez lui, dans ses lectures, dans ses conversations, dans ses fréquentations, que va s'élaborer très rapidement sa théorie. À 29 ans, dans des carnets secrets, il aura fini de l'élaborer. Et puis, 20 ans de silence. Ce qui est intéressant, pourquoi l'Angleterre du milieu du 19e siècle ? Parce que on pense toujours qu'une théorie scientifique s'élabore à partir d'observations scientifiques. En fait, la théorie de l'évolution du vivant pour Darwin, c'est son voyage qui remet en question ce qu'il connaissait. C'est le travail des éleveurs et des jardiniers, ce qu'il appelle la sélection artificielle. C'est la géologie, celui qui deviendra son grand ami, Charles Lyell, dont il a lu le livre pendant son voyage à bord du bateau, qui est un traité dont le titre annonce l'ambition, qui est un traité qui est une tentative d'expliquer les changements anciens de la Terre par des causes actuellement en train d'opérer. Ce que Charles Lyell dit de la géologie, que d'autres ont dit avant lui, mais qu'il expose de manière encore plus claire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'imaginer qu'il y a eu des catastrophes dans le passé pour comprendre pourquoi il y a des montagnes, pourquoi il y a des volcans, pourquoi il y a des choses absolument extraordinaires et gigantesques. Il suffit que des forces qui sont en train d'opérer aujourd'hui et qui nous paraissent tout à fait minimes, les érosions, toute une série, se passent sur des temps très longs pour qu'elle fasse surgir ce qui nous semble uniquement possible par l'intermédiaire de catastrophes. Et donc, il y a cette idée qui commence à travailler Darwin, qu'au fond, l'accumulation de petits changements, les petites causes, variations, sur un très grand nombre d'individus et sur des temps très longs, peuvent entraîner des changements qui nous paraissent inimaginables parce que à l'échelle d'une vie humaine ou de l'histoire humaine, ça n'est pas concevable. Et puis, il y a les économistes de son temps. Il y a Adam Smith qui a, dans La richesse des nations, évoqué la main invisible qui fait que, sans le savoir, en vaquant à leurs occupations quotidiennes, eh bien, les membres de la société, en particulier les marchands de la société d'Angleterre, participent sans le savoir à un bien commun qu'ils n'ont jamais prévu. Et il va y avoir chez Darwin cette idée qu'au fond, des êtres qui, par définition, ne savent pas très bien ce qu'ils sont en train de faire, ou n'ont peut-être même pas de conscience comme les plantes, peuvent, dans leurs activités quotidiennes, construire quelque chose qui dépasse de très loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer ou qu'ils sont incapables d'imaginer. Et puis, il y a Malthus, dont je vous parlais. Oui, le démographe. Voilà, le démographe, l'homme, je dirais, moralement indigne, qui prétend lutter contre la pauvreté en condamnant à mort les pauvres. Il dit que la pauvreté est nécessaire à la survie d'une société. Il dit aussi que... Non, parce qu'il veut lutter. Le titre, d'ailleurs, de son principe de population, c'est pour remédier à la souffrance qui est due à la pauvreté. Mais la façon dont il veut y remédier, parce qu'il pense que c'est... il faut pas aider les pauvres, parce que si on aide les pauvres, on augmente la pauvreté. Il dit, si un père ne peut pas nourrir son enfant, eh bien que l'enfant meurt de faim. Donc, c'est moralement... Et c'est un homme d'église, c'est un pasteur, donc ouais. c'est quelque chose d'assez hallucinant, qui est à l'extrême opposé de ce que Darwin aborde, hein, ce contre quoi il lutte, mais il a proposé quelque chose qui est une forme de loi naturelle, et qui est que, alors dans les sociétés humaines, mais il va faire un exemple dans le monde vivant en parlant du fenouil, en disant que, au fond, les ressources qui sont nécessaires pour que des êtres vivants vivent et se reproduisent sont toujours... La rapidité avec laquelle les êtres vivants se reproduisent est toujours supérieure à la quantité de ressources qui est nécessaire pour leurs descendants pour pouvoir survivre et reproduire. Et donc, il y a un déséquilibre constant qui va frapper profondément à la fois Darwin et Wallace. Ils le disent d'une certaine façon en disant que la croissance des populations, 2, 4, 8, 16, vous savez, c'est ce qu'on appelle une croissance géométrique ou aujourd'hui une croissance exponentielle, que les populations se multiplient de manière exponentielle. C'est l'histoire de l'échiquier, des 64 cases de l'échiquier. Vous connaissez ce conte? Le roi qui veut récompenser quelqu'un lui dit « demande-moi ce que tu veux ». Il lui dit « je te demande pas grand-chose, je te demande de mettre un grain de blé sur la première case de l'échiquier, 2 grains sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième ». Et le roi lui dit « aucun problème ». Et avec les 75 cases de l'échiquier, l'ensemble des récoltes de l'Empire ne suffit pas. Hein, donc c'est ça une croissance exponentielle. Et donc la croissance exponentielle d'une population fait que la croissance des ressources pour les descendants ne va pas être exponentielle et donc un très grand nombre de jeunes vont mourir à chaque génération et Darwin va faire ce calcul et Wallace de même, c'est très étonnant, ils le font à distance. Darwin va se dire, si un couple d'oiseaux qui a tous les ans deux petits et que ces deux petits ont deux petits, combien de temps ça mettra pour qu'il y en ait des millions, et qu'il recouvre l'ensemble de la surface de la Terre. Et Wallace fera exactement le même calcul. Et puis Darwin refera le calcul avec les éléphants. Et donc la conclusion devient évidente. S'il n'y a pas ces milliards d'éléphants, ces milliards de milliards d'oiseaux en un siècle, eh bien c'est parce qu'il y en a énormément qui meurent, et surtout à l'état d'œufs, de petits, de jeunes. Il n'y a jamais ou le plus souvent pas assez de ressources dans le monde vivant. Et donc, ça veut dire que ce qui frappait Malthus, c'est que voilà, il y avait de la pauvreté, de la famine à chaque génération. Ce qui frappe Darwin, c'est pas ce que dit Malthus, c'est de dire, mais si c'est le cas, est-ce que ceux qui survivent à chaque génération et ceux qui meurent sont différents ou sont les mêmes? Oui. Et donc, tous les deux vont dire, si je résume la théorie de manière très simple, c'est à chaque génération, il y a des variations. Les enfants sont toujours un peu différents des parents et un peu différents entre eux. Ce petit tremblement de différence était pris depuis des temps immémoriaux comme la preuve que les espèces n'avaient jamais varié, puisque tout ce qu'elles faisaient, c'était de trembler légèrement. Pour Darwin et pour Wallace, ce petit tremblement, c'est le moteur de l'évolution du vivant. Parce que à partir du moment où une grande partie des descendants vont mourir à chaque génération, eh bien ceux qui, par hasard, à cause de ces variations, sont légèrement avantagés en termes de survie et de reproduction, à cause de leur adaptation aléatoire à l'environnement, qui lui-même va bouger, eh bien, vont plus survivre et se reproduire que les autres. Et donc, petit à petit, de génération en génération, et c'est ça qui va appeler la sélection naturelle, eh bien, ils seront de plus en plus adaptés tant que l'environnement ne va pas radicalement changer. Et ça donnera rétrospectivement l'idée, l'impression, qu'il y a eu un projet, au fond, le vivant ne pouvait aller que vers de l'adaptation, alors que c'est ce qu'il dira le fruit du hasard aveugle et de la nécessité. Et donc, cette loi, cette façon de voir le monde est extrêmement simple. Ce qui m'a souvent surpris, c'est qu'elle est assez difficile pour beaucoup de personnes à comprendre ou à être appropriée, alors que c'est quelque chose d'assez simple. C'est assez simple, c'est évidemment contre-intuitif, parce que nous sommes des êtres de projet, donc imaginez qu'il n'y a pas de projet à l'œuvre dans ce que Darwin a appelé l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, cette extraordinaire diversité du vivant, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est ce qu'ils vont élaborer. Alors, Darwin l'élabore en 2 ans, puis le creuse et le façonne, et en regarde les implications pendant les 20 ans où il poursuit son exploration en secret. Wallace, qui est assez étonnant, c'est un manuscrit de 20 pages, mais sa théorie est élaborée au cours d'un accès de paludisme. D'un seul coup, il a un accès de paludisme avec des successions de fièvres et de frissons, et il dit qu'il s'est souvenu de Malthus, et que d'un seul coup, il a eu cette vision, et il l'écrit. Mais c'est ça qui est assez fou quand même, juste sur l'influence de Malthus, c'est qu'en fait, Darwin va partir de ce que met en œuvre Malthus, qui concerne les sociétés humaines, pour l'appliquer au règne végétal et animal. Mais il va refuser ensuite l'application de sa propre théorie aux sociétés humaines. Oui, tout à fait. Avec toujours cet équilibre, en fait, cet équilibre contradictoire et complexe entre son œuvre scientifique et sa réflexion éthique et morale. Au fond, 10 ans, il y a une certaine logique. 10 ans que nous sommes nés d'une évolution aveugle qui n'avait pas pour nous de projet, il en déduit que ça n'est pas dans des lois de la nature que nous devons trouver les fondements de nos comportements. C'est dans notre réflexion morale. C'est dans notre façon de construire la meilleure façon de vivre ensemble. Et d'ailleurs, il écrira plus tard que ce qu'il faut, je vous parlais de la règle d'or, c'est au fond apporter de l'aide aux autres, s'entraider, considérer les autres comme semblables. Il écrira que quand des personnes sont éloignées de nous par des grandes différences physiques ou de culture, combien le temps est long, hélas, malheureusement, avant que nous ne les considérions comme nos semblables. Donc il y a cette idée d'une commune humanité. Et puis plus tard, il dira, une fois que nous aurons élaboré cette façon harmonieuse de vivre les uns avec les autres, il faudrait étendre notre cercle de sympathie et y inclure les animaux qui sont doués de sensibilité. Oui, mais alors ce que vous dites, Jean-Claude Amezen, contredit la réception courante de ce texte qui tend à faire... à dire que chez Darwin, finalement, l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. C'est la fameuse blessure narcissique dont parle Freud. Darwin nous fait comprendre que l'homme est un animal parmi les autres et qu'il n'est pas supérieur aux autres. En fait, ce que vous dites, c'est que s'il y a une réflexion éthique et morale chez Darwin, si justement l'homme a un statut différent que celui du reste des animaux. Alors c'est intéressant. On ne peut pas... Il y a plusieurs Darwin. Il y a le Darwin du voyage du Beagle, le jeune homme sensible, révolté, qui vraiment... est à la fois en train d'élaborer une démarche scientifique et de découvrir une réflexion éthique. Il y a ce que Darwin appellera un esprit devenu une machine à moudre des idées générales à partir de larges assemblages de faits, qui est cette puissance de raisonnement qu'il y a dans l'origine des espèces et dans d'autres livres. Il ne faut pas oublier que l'origine des espèces, intentionnellement, ne dit rien de l'être humain. Oui, il y a une phrase qui dit « Dans le futur distant, la lumière sera jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. » Sur un livre de 500 pages, c'est vraiment très sommaire. Il le fait intentionnellement parce qu'il sait que son livre ne peut avoir qu'une implication, qui est que si l'ensemble du monde vivant a émergé par transformation et par sélection naturelle, il devrait en être de même de l'être humain, mais il ne veut pas s'engager dans ce débat. Et il attendra encore 12 ans avant de décrire la généalogie de l'homme, The Descent of Man, dans lequel il va aborder cette question, l'origine de l'humanité. D'ailleurs, vous savez sans doute que dans vendredi, c'est le 212e anniversaire de la naissance de Darwin. Exactement, mais le 12 février 1809. Voilà, et dans deux semaines, le 24 février, c'est le 150e anniversaire de la publication, non pas de l'origine des espèces, mais de la généalogie de l'homme, de The Descent of Man. Donc c'est une semaine un peu, enfin un mois en tout cas, un peu particulier. Et dans la généalogie de l'homme et dans l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux, son grand projet, ça va être de montrer que l'être humain a pu émerger à partir de primates non humains et donc à partir du monde animal, ce qui veut dire qu'il est à la fois différent, mais comme on pourrait le dire, comme chaque espèce animale est différente des autres. Après tout, si nous étions rouge-gorge, nous ferions la liste de toutes les caractéristiques qui font que aucun animal n'est tout à fait semblable à un rouge-gorge. Et en même temps, ce qui est très important pour lui, c'est de montrer la parenté, pas seulement la parenté physique, qui est assez physiologique, qui est évidente, le squelette d'un primate non humain, ses organes, son métabolisme, mais de montrer que ce qu'il appelle les activités mentales des êtres humains, eh bien, on en retrouve des reflets, des prémices, eh bien, chez un certain nombre d'animaux. Et donc, une partie de ce projet de la généalogie de l'homme va être de dire, voilà, de prendre des caractéristiques mentales et de dire à chaque sous-chapitre, ah, cette caractéristique, à l'évidence, elle est propre à l'homme et elle n'est partagée par aucun autre animal. Et ça va être la coopération, l'utilisation des outils, la culture, le sentiment esthétique, la sympathie, l'entraide, etc. Et à chaque chapitre, il va montrer que, eh bien non, il y a chez certains animaux, chez des primates, chez d'autres mammifères, chez les oiseaux, eh bien des comportements qui sont des reflets des nôtres. Et il va dire, c'est une différence de degré et pas de nature. Et donc tout l'enjeu de sa réflexion, c'est de montrer que, quelles que soient les différences, quelle que soit la différence qui existe entre un arbre et un papillon, entre un oiseau et une fleur, entre un être humain et un autre mammifère, eh bien, c'est une question de degré. Aussi grandes que ces différences puissent nous paraître, elles ne sont pas radicalement différentes, elles ne sont pas qualitatives, ce sont des transitions, ce sont des degrés de différence. Et donc, oui, il va dire, mais il est aussi, il va dire que le degré d'avancement, le degré de développement du sens moral humain est sans doute supérieur à celui des autres animaux. Et donc, c'est à nous, en particulier, puisque ça nous concerne, de construire, à partir de ces comportements dont nous avons et de ces instincts sociaux, dit-il, dont nous avons hérité de nos ancêtres, de construire le comportement le plus humain et le plus moral que nous pouvons le faire. Donc, si vous voulez, il y a à la fois, les humains ne sont évidemment pas des primates non humains, ne sont pas des mammifères, ne sont pas des plantes, mais il y a ce lien de parenté. Les différences entre les espèces qui paraissaient totalement infranchissables, oui, c'est ça. Un arbre et un poisson, qu'ont-ils de commun ? Surtout à son époque, on ne connaissait pas la communauté de l'ADN, la communauté de l'hérédité. Eh bien, ce ne sont que des degrés d'éloignement sur un thème de la parenté à partir d'une généalogie commune. Mmh. Et donc, c'est une pensée complexe. C'est une pensée de la différence inclue dans la généalogie, de la discontinuité inclue dans une continuité. La vie ne s'est jamais interrompue. Les espèces n'ont jamais été radicalement séparées. Elles se sont éloignées progressivement les unes des autres. Alors que se passe-t-il lorsqu'on contemple un talus dans la nature, un talus où on y trouve des plantes, des oiseaux et des vers ? Eh bien moi, si je regarde ce talus, je vois des plantes, j'entends des oiseaux, j'observe des vers. Darwin, lui, observe des lois. Il est intéressant de contempler un talus enchevêtré, couvert de nombreuses plantes de nombreuses sortes, avec des oiseaux qui chantent dans les buissons, et des insectes variés qui virevoltent, et des vers qui rampent dans la terre humide, et de songer que ces formes construites avec raffinement, si différentes les unes des autres, et dépendant les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois agissant autour de nous. Ces lois, prises dans le sens le plus large, sont croissance avec reproduction, héritage, lequel est presque toujours impliqué par la reproduction, variabilité, à partir de l'action directe et indirecte des conditions extérieures de vie, un taux d'accroissement si élevé qu'il conduit à une lutte pour la vie, et comme conséquence à la sélection naturelle, ce qui entraîne divergence de caractère et extinction des formes les moins améliorées. Ainsi, à partir de la guerre de la nature, de la famine et de la mort, l'objet le plus sublime que nous puissions concevoir, la production des animaux supérieurs, en découle nécessairement. Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie, avec ses divers pouvoirs originellement insufflés dans quelques formes, voire dans une seule. Et tandis que cette planète tournait en rond selon les lois établies de la gravité, une infinité de formes regorgeant de beauté et de merveilles, à partir d'un commencement si simple, ont évolué et évoluent encore. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Darwin cette semaine, l'origine des espèces, en compagnie aujourd'hui de Jean-Claude Amezen. Et vous venez d'entendre un extrait du chapitre 14, le dernier chapitre de l'origine des espèces, lu par Vincent Schmitt. Ce dernier chapitre a quelque chose de particulier. On pourrait presque commencer par lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Claude Amezen. Il y a une sorte de résumé, d'ailleurs il le dit, un récapitulation et conclusion. Et puis surtout, il a souvent la forme d'une espèce de feu d'artifice. On sent un ton qui est parfois lyrique et qui paraît beaucoup plus assuré qu'il ne l'était au début et qui nous donne les clés. Pour comprendre ce qu'il y a dans le texte, on peut rebondir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais on peut rebondir sur l'idée de loi que j'évoquais. Au fond, c'est ça que nous dit Darwin, c'est que ce que l'on observe dans la nature est toujours le résultat, le produit de lois qui agissent autour de nous, dit-il. Oui, alors il y a beaucoup de choses, comme vous dites. C'est d'ailleurs la dernière page de son livre. Hein. Mmh. Et c'est là qu'il y a cette espèce de lyrisme qui apparaît. Qui est d'autant plus, il y a de la grandeur dans cette conception de la vie. En anglais, c'est there is grandeur in this vision of life. Oh, il utilise le terme français. Il donne encore plus d'ampleur à cette conclusion. Et il y a quelque chose, si vous voulez, c'est construit de manière extrêmement intéressante, comme vous dites. On regarde autour de nous. Tiens, il y a des oiseaux, il y a des buissons. Et puis d'un seul coup, des lois apparaissent. Parce que c'est ce que je vous disais, ce qui est important, l'enjeu pour lui, c'est d'essayer d'expliquer comment ça s'est passé. C'est pas de dire, dira-t-il comme Lamarck, le monde a évolué, mais pour des raisons que lui considère complètement anecdotiques. C'est si le monde a évolué, la véritable preuve, c'est qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé. Et comment ça s'est passé, c'est les lois de la nature, c'est les relations de causalité. Et donc, il les décline. Et puis, d'un seul coup, brutalement, il y a ce que je vous disais sur le principe de population, de la guerre de la nature, de la famine et de la mort, l'objet le plus remarquable que nous puissions concevoir est apparu. Et il y a ce contraste saisissant, c'est de la destruction permanente, de la déconstruction permanente du vivant qu'a émergé la nouveauté. Et ça lui posera plus tard, en tout cas il l'exprimera plus tard, un problème moral. C'est-à-dire que qui conduira d'ailleurs à la perte de la foi progressivement qu'il avait et qui est que c'est une loi impitoyable. C'est une loi de la nature extraordinaire, puisqu'à partir d'un début si simple, comme il le dit, des premiers êtres vivants et de la matière, à émerger l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses qui continuent à émerger et à évoluer, et d'un autre côté, c'est fondé sur une destruction permanente. Ouais. Tant que des animaux dotés d'une sensibilité, d'émotion et d'une conscience n'étaient pas là, au fond, c'est un processus de destruction qui ne fait pas souffrir. Mais d'un seul coup, l'évolution fait émerger ce qui l'a fasciné. Comment apparaissent des activités mentales chez l'animal pour la première fois? Il dira que c'est aussi mystérieux que l'émergence de la vie à partir de la matière. Eh bien, à partir du moment où des émotions, une sensibilité, une conscience apparaissent, ça devient une tragédie. Et donc, il dit « je ne peux pas comprendre un Dieu bienveillant », parce que pour lui, un créateur ne peut être que bienveillant, un créateur bienveillant qui a mis en place cette machine à broyer, à faire naître le merveilleux, mais au prix d'une souffrance énorme pour tous ces êtres vivants qui sont capables de sensibiliser. Donc, il y a la tension d'où naîtra ce problème moral pour lui et la perte de sa foi. Il deviendra ce qu'il dira un agnostique. Il ne sait pas, mais en tout cas, il n'est plus croyant. Et puis, derrière cette souffrance et cette merveille, eh bien, il y a de la grandeur, il y a une espèce de sérénité, de réconciliation, hein, qui est de l'ordre de la distance et de l'émerveillement. Et puis, il y a ce contraste saisissant entre un univers newtonien où les planètes ne font que tourner, la Terre tourne autour du Soleil, rien n'a vraiment bougé à part ses mouvements et puis quelques comètes qui apparaissent. L'univers est immobile et pendant ce temps, eh bien, et c'est la première fois que le mot « évoluer » apparaît dans l'origine des espèces. Avant, c'est le transformisme, c'est le mot de Lamarck, les transmutations. Et pour la première fois, dans la dernière ligne, le dernier mot « évolue », ont évolué et continuent. Enfin, ça dépend des traductions, justement, parce que celle que j'ai sous les yeux, c'est le mot « se développer » qui apparaît, non pas « évolution ». Mais c'est une erreur de traduction, parce que dans l'anglais original, c'est « evolve ». C'est la première fois que le mot « évoluer » apparaît en anglais. Et je ne sais pas pourquoi les traductions qui sont anciennes, hein, la traduction que vous avez sans doute... C'est Jean-Marc Drouin, mon dernier Flammarion. C'est pas si ancien non plus. C'est fondé, je crois, sur celle de 1872. Ah, c'est possible. Si ma mémoire est bonne. Mmh. Et donc, je ne sais pas pourquoi, dans cette traduction, c'est très étonnant, comme s'il y avait une difficulté à traduire Darwin. C'est pas « il y a de la grandeur », c'est « n'y a-t-il pas une certaine grandeur » dans cette, comme si c'était transformer une affirmation en interrogation. Et puis, il y a développé au lieu d'évoluer. C'est très étonnant. Mais vous avez raison, hein, d'ailleurs. C'est la traduction d'Edmond Barbier. C'était la traduction de l'anglais d'Edmond Barbier, qui est ancienne. Voilà, c'est comme si à l'époque, c'était gênant quand même de traduire véritablement Darwin et qu'on faisait des périphrases et qu'on essayait de dire les choses un peu de manière différente. Comme si c'était choquant en 1872 ou 13 de dire évoluer. Mais il y a quelque chose aussi qu'on peut remarquer dans ce texte. Vous parliez de cet univers un peu newtonien, immuable que Darwin décrit. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évolution, et vous le dites, le mot apparaît à ce moment-là, la dernière ligne de l'origine des espèces, s'applique aujourd'hui à ce qu'on appelle l'univers, que l'univers fixe dont parle Darwin n'est plus le nôtre. Alors ce qui est intéressant, et je pense que c'est un des rares cas dans lesquels une révolution scientifique en biologie, en sciences du vivant, a eu une influence dans le domaine de la physique et de l'astrophysique. Vous savez que la physique, les mathématiques ont eu une grande influence et ont toujours une grande influence en biologie. L'inverse est extrêmement rare. Je crois que c'est un des seuls cas dans lesquels, et personne ne l'a jamais reconnu en tant que tel, aucun astrophysicien, ni Lemaître, ni Hubble, aucun astrophysicien ne l'a reconnu, aucun physicien ne l'a reconnu, mais je pense qu'il y a eu une telle influence de la pensée darwinienne dans les dizaines d'années qui ont suivi la publication de l'Origine des espèces, que 60 ans après la publication, 40 ans après sa mort, dans les années 1920, eh bien, des astrophysiciens et des physiciens ont d'un seul coup réalisé que l'univers n'avait pas été immobile, qu'il ne se limitait pas d'ailleurs à la Voie lactée, comme on le croyait encore en 1900, mais qu'il était immense et qu'il n'avait cessé de se transformer. Darwin nous avait rendu, en fait, ce que j'ai toujours trouvé très émouvant, il avait déplacé l'être humain de sa place centrale dans la nature, comme Copernic l'avait déplacé la Terre de sa place considérée comme centrale dans l'univers, mais il nous avait rendu cousins de tous les êtres vivants. Autrement dit, l'environnement, ce qui nous entoure, c'est pas simplement ce qui nous entoure depuis Darwin, c'est nos cousins. plus ou moins proches. Nous faisons partie de la famille. Et à partir de 1920, eh bien, c'est l'univers qui est devenu nos cousins. Nous sommes devenus les descendants et les cousins des étoiles. Et donc, cette révolution darwinienne qui a percolé pendant des dizaines d'années a en effet profondément transformé la vision que nous avions de l'univers, avec dans les deux cas la même conséquence, c'est de rendre le passé immense. Ouais. Et il nous a fait hériter d'un passé immense. À son époque, on se demandait si c'était les 5000 ans de la Bible qui étaient l'âge de la Terre, ou si c'était un peu plus long, ou si c'était 100 000 ans, ou si c'était 1 million d'années. Et puis, d'un seul coup, petit à petit, ça a été les 4,5 milliards d'années de l'âge de la Terre, les 4 milliards d'années d'origine de la vie. Et pour l'univers, ça a été la même chose. Cet univers, d'un seul coup, il a plus de 13 milliards d'années. Et donc, nous avons hérité d'une mémoire immense, mais c'est une mémoire dont personne n'a été le témoin, ce sont des souvenirs que personne n'a connus. Et donc, c'est un passé qu'il nous faut réinventer en permanence. Et je trouve ça profondément émouvant. Il y a cette dimension, vous le disiez au début, cette dimension de récit, cette dimension historique, parce que si hier est différent d'avant-hier et hier est différent d'aujourd'hui, eh bien, c'est un récit. Les lois de la nature, les relations de causalité ne suffisent pas à expliquer. Il y a la contingence, il y a la sensibilité aux conditions initiales. Et donc, c'est le récit, qu'il s'agisse du récit de l'évolution du vivant ou de l'évolution de l'univers. Et donc, il y a quelque chose de très beau et de très, très stimulant, qui est qu'il nous faut, à partir des indices qui nous restent, les fossiles, les rayonnements fossiles dans l'univers, les fossiles en ce qui concerne le vivant, et à partir des traces que cette généalogie a imprimées dans le présent, que ça soit la génétique chez des êtres vivants ou que ça soit les configurations des étoiles et des planètes dans l'univers aujourd'hui, il faut reconstruire ce passé et il est toujours mouvant. Je dis souvent qu'un historien, je faisais une présentation il y a longtemps de ça, de la théorie de l'évolution du vivant appliquée à certains phénomènes biologiques, et un historien vient me voir à la fin de mon exposé et me dit, vous savez, dans ma discipline aussi, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Et je crois que ce que Darwin nous a apporté, qui n'existait pas dans la magnifique description du monde de Newton et de ses successeurs, c'est qu'on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Et donc le passé est devenu un enjeu et un sujet de recherche extraordinaire qu'il n'était pas avant, puisque avant, eh bien, le passé était à peu près comme le présent. Et on cherchait sur ces lois intemporelles et on n'avait pas cette... Donc il y a pour qui se... J'allais dire, il y a une forme, dans le récit, il y a toujours une forme de sensibilité et d'art. Et donc je crois que Darwin a apporté une dimension, une certaine dimension artistique dans cette entreprise rationnelle et exacte qu'est la démarche scientifique. Oui, et ce qui est vraiment frappant à la lecture de ce texte, c'est cet enchevêtrement entre d'un côté l'importance des lois, on l'a vu dans le texte qu'on a entendu, effectivement l'évolution est soumise à des lois, et en même temps, la causalité n'est jamais celle d'une grande catastrophe, ce sont ces petites causes, vous parlez des petits tremblements, et le fait que nous soyons le résultat à la fois de lois qui semblent immuables, et en même temps de ces petites causes qui n'excluent pas justement le hasard, c'est ce qu'on appelle aussi les variations, justement, nous sommes le résultat de ces variations, il y a quelque chose de... En effet, vous parlez de dimension artistique, on a l'impression qu'on sort du domaine scientifique. Alors, c'est simplement que le domaine scientifique est devenu plus riche. Je ne crois pas qu'on en sorte. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de différence radicale entre intuition et raisonnement, entre art et science. C'est simplement que c'est une démarche scientifique qui est plus riche, qui est plus ouverte. Elle a des dimensions, d'ailleurs on l'évoquait, éthiques, morales. Elle a des dimensions qui sont plus de l'ordre du récit. Donc c'est toujours une démarche scientifique, mais une démarche scientifique qui est plus ouverte sur d'autres démarches, à condition qu'elle ne les englobe pas et qu'elle ne les assujettisse, qu'elle n'en fasse pas ces objets, mais qu'elle puisse interagir avec d'autres façons de voir le monde. Il y a quelque chose, je vous parlais de la dimension éthique de Darwin. Le jeune Darwin y est très sensible. Plus il va prendre de l'âge, et plus il deviendra indifférent. Bizarrement, sa tendresse restera pour les animaux et pour les liens entre les comportements animaux et humains, mais vis-à-vis des humains, il va commencer à se durcir et à adopter de plus en plus les préjugés de son époque, peut-être parce qu'il est respecté et qu'il veut être accepté. Et il y a quelque chose dans son autobiographie qui m'a beaucoup frappé, qui a un rapport avec ça, que je vous lis rapidement. Allez-y. Il dit « Jusqu'à l'âge de 30 ans, ou plus tard encore, la poésie, les œuvres de Milton, Byron, Shelley me procuraient un grand plaisir. Les tableaux et la musique me donnaient un grand bonheur. Mais depuis de nombreuses années, je ne peux plus supporter de lire une ligne de poésie. J'ai aussi presque perdu tout goût aux tableaux et à la musique. C'est une curieuse et lamentable perte de tout goût esthétique. Mon esprit semble être devenu une espèce de machine à moudre des lois générales à partir de larges assemblages de faits. Mais pourquoi cela aurait dû causer l'atrophie de cette seule partie du cerveau dont dépendent les goûts esthétiques, je ne peux pas le comprendre. La perte de ces goûts est une perte de bonheur. Et elle pourrait être délétère pour l'intellect, et plus probablement encore pour le caractère moral, en affaiblissant la part émotionnelle de notre nature. Et je crois que c'est très touchant et très beau, c'est-à-dire qu'il reconnaît dans ce texte implicitement le fait que les émotions, la capacité à ressentir est une dimension essentielle de la morale et de la réflexion et de la démarche éthique, et qu'une rationalité qui tourne de plus en plus découplée de toute sensibilité et toute sensibilité artistique, eh bien, pose un problème moral. Merci beaucoup Jean-Claude Amezen pour cette conclusion à l'image de cette émission. Lisez l'autobiographie de Charles Darwin, chers auditeurs, c'est un ouvrage absolument passionnant. Et l'origine des espèces, évidemment, ça, on le fait cette semaine. Merci d'avoir ouvert cette semaine d'ailleurs, Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin. C'est là où vous vous situez, en tout cas tous les samedis sur France Inter. C'est le titre de votre émission qui a donné lieu notamment à 3 ouvrages. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec Tom Jones qui chante Charlie Darwin. Merci à vous. Set the sails, I feel the winds stirring toward the bright horizon. Set the way, cast your reckless dream upon our Mayflower, the haven from the world and her decay. And who could heed the words of Charlie Darwin? Fighting for a system built to fail. Spooning water from their broken vessels as far as I can see, there is no land. Oh my God, the waters all around us. Oh my God, it's all around. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est la voix de Tom Jones qui, à la suite de celle de Jean-Claude Amezen, nous conduit vers celle d'Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle, ma voix ne sera pas assez grave aujourd'hui. Mais si, justement, je l'ai dit en connaissance de cause, je sais que votre voix est très grave, donc elle s'inscrit parfaitement dans l'harmonie sonore de cette émission. Votre question, ce matin, la voici, sommes-nous en train de vivre l'âge d'or du fan art? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le fan art? Oui, merci de poser la question. On peut dire que c'est une sous-branche de l'art naïf, un art modeste au sens que lui donne le peintre Di Rosa. Alors, on sait pas trop ce que c'est, mais on en voit et on trouve ça plutôt moche. C'est par exemple un portrait brodé de Keanu Reeves, un fusain d'Han Solo, le héros de Breaking Bad gravé dans la mousse d'un cappuccino, ou la princesse Padmé dessinée dans la poussière de la lunette arrière d'une voiture. On voit que le fan art est très libéral, techniquement. Il joue souvent le rôle d'un démonstrateur technique. Cette façon virtuose que j'ai inventée de représenter les choses, je vais vous la montrer avec un visage que vous connaissez bien. À sa façon, donc, le fan art s'inscrit dans la longue histoire de la copie. Or, on ne peut pas mépriser tout à fait le fan art sans mépriser aussi la Renaissance, à ce détail près que les Laocoons qu'on reproduit sont désormais issus des trilogies Star Wars plutôt que de la mythologie grecque. Mais, à sa façon, le fan art poursuit donc la longue histoire de la mimésis. Et puis, il y a eu la fameuse histoire 50 nuances de Grey qui a tout changé à son destin, ce qui n'était au départ qu'une fanfiction érotique autopubliée, inspirée à son autrice par les vampires amoureux de Twilight, est devenu l'un des plus gros succès d'édition de tous les temps. Vous voulez dire que le fan art serait devenu mainstream, en fait ? Exactement. Mieux encore, il aurait acquis, à peu près au même moment, avec la série d'animation Rick et Morty, conçue initialement comme un hommage au célèbre duo de Retour vers le futur, il aurait connu le fan art, la reconnaissance artistique. Plus personne ne doute aujourd'hui que Rick et Morty est l'un des chefs-d'œuvre de notre temps. Pour l'anecdote, on a même pu voir que Navalny, dans l'avion qui le ramenait en Russie, regardait Rick et Morty sur sa tablette. Que lisait Lénine dans le train qui l'a conduit au printemps 17 de Zurich à Saint-Pétersbourg? Oui, bah c'est une bonne question. Que lisait Lénine? Bah apparemment, il écrivait en fait. Il écrivait quelque chose qui sera connu sous le nom des thèses d'avril de la littérature révolutionnaire. Mais rien ne nous empêche, dans une fanfiction de Lénine, de lui faire lire Anna Karénine et de le faire tomber amoureux d'une passagère. Ce voyage en train a donné lieu d'ailleurs à sa propre fanfiction italienne, un train pour Pétrograd, et on pourrait imaginer une fanfiction qu'il apprendrait à son tour pour point de départ. Mais je digresse un peu. L'un des points de départ de la fanfiction est cependant peut-être ici, dans un attachement démesuré aux personnages, voire aux acteurs qui les incarnent. Le véritable fan, c'est celui qui plonge dans une mélancolie noire, une fois la série achevée, une fois la trilogie conclue. Il lui faut agiter encore ses marionnettes, la révolution serait la fanfiction de l'histoire, comme ce fan de Bernie Sanders, inconsolable de sa défaite à la primaire, qui a fini par fabriquer un Bernie Sanders au crochet. Vous voulez dire que le fan art serait aussi politique ? Oui, car à sa façon, c'est une façon de résister au studio ou d'écrire sa propre version de l'histoire officielle. L'existence du fan art est ainsi problématique du point de vue du copyright. Disney tient à ses super-héros, mais bizarrement, on a vu Disney, dans un mouvement tactique imprévisible, aimer tellement ses super-héros qu'il s'est mis à faire du fan art avec eux. Bah alors là, vous avez la réponse à votre question, hein. Sommes-nous en train de vivre l'âge d'or du fan art ? Si même Disney s'y met, c'est bien l'âge d'or du fan art. Exactement, alors c'est en tout cas à ça que se ramène la série Vandavision, qui prend sa place, on ne sait pas encore trop où, dans le Marvel Cinematic Universe, mais ce qu'on découvre en fait en regardant cette petite sitcom à 225 millions de dollars, c'est qu'on n'avait pas d'autre désir en ces temps troublés que de regarder la vie domestique de l'adorable Vanda et du craquant Vision, du pur fan art donc. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, Lila Bozès. Cette semaine également, à la lecture des textes, c'était Vincent Schmitt. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Ai-je cité Nicolas Berger ? Oui, je le cite à nouveau, qui réalise donc cette série sur Darwin et l'origine des espèces. Qui continue demain, évidemment, cette série. Demain, on sera en compagnie de Thierry Hoquet, qui a traduit l'origine des espèces, qui viendra vous expliquer demain, enfin, nous expliquer demain, ce qu'est la sélection naturelle. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, ou bien en téléchargeant l'application Radio France, qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en podcast, en téléchargement. Comme ça, vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.